Bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est samedi et c'est soirée disco. Ah, moi c'est Fred et on va partir sur la découverte du jour immédiatement. J'ai choisi cette semaine Bonnie Pointer avec son titre Heaven Must Have Sent You. La chanteuse, elle est née dans les années 50 en Californie. Elle est à l'origine une des filles du célèbre groupe Pointer Sisters. En 1978, elle sort un album nommé Bonnie Pointers, où figure le titre. Ce dernier est une reprise d'une chanson des Elgins. Je connaissais pas du tout, il faut vous l'avouer. Faut dire qu'à l'époque, c'est monnaie courante et de faire des adaptations disco de toutes les chansons. Cette dernière sera classée 8e des hits US. C'est parti pour la découverte du jour. Eh ben dis donc, on est parti sur les chapeaux de roue aujourd'hui. Eh ben on va continuer avec la double dose. Le groupe sous les projecteurs, c'est Casey and the Sunshine Band. Le groupe est d'origine américaine et il sera actif de 1973 à 1984. Et il va se reformer en 1993 épisodiquement. Alors il est fondé en 1973 par le bassiste Richard Finch et Harry Wayne Casey, surnommé Casey. Ils commencent par composer pour George Macrae et font mouche tout de suite avec le titre Rock Your Baby. Alors promis, on l'écoutera un jour aussi. Je vous ai fait beaucoup de promesses. Le single se vendra à plus de 10 millions d'exemplaires. Suite à cela, plusieurs de leurs amis rejoignent le groupe. En 1975, ils sortent leur premier succès avec Get Down Tonight et That's the Way. qui atteignent les premières places des charts US. Surfant sur la vague du succès, rebelote l'année suivante avec Shiekio Bosi. En 1977, ils enregistrent les tubes disco Keep It Coming Love et I'm Your Boogeyman. En 1979, leur guitariste, Jerome Smith, est forcé de quitter le groupe en raison de sa consommation d'alcool et de drogue. Ça va être le début de la fin un peu. Le début des années 80 marque un tournant dans leur carrière car ils vont changer de maison de disques. Ils vont signer chez Epic et sortent Please Don't Go, un hit mondial qui restera de nombreuses semaines en haut des charts. Casey est victime d'un accident de la route en 82 et ça va le maintenir loin des studios pendant un petit bout de temps. Ils connaîtront de nouveau la gloire avec le single Give It Up, extrait de l'album All In A Night Work. Hélas, comme beaucoup d'autres groupes dans leur de cette décennie, ça va se séparer au milieu des années 80. Alors, il faut noter qu'au cours de leur carrière, ils ont récolté 3 Grammy Awards et ils se verront attribuer une étoile sur le Hollywood Walk of Fame. Alors, passons maintenant à l'écoute. Alors, moi, je vous ai choisi Keep It Coming Love et That's The Way I Like It. Bonne dégustation! Coming up. Gadget, le festival de toutes les musiques. Le maxi du jour, on va le consacrer à un groupe qu'on n'a pas entendu depuis longtemps. J'ai nommé, roulement de tambour, Boney M. Alors, on a bien sûr déjà consacré une double dose dessus et on va pas revenir sur leur carrière. Aujourd'hui, on va déguster Daddy Cool. Paru sur leur album Take the Heart of Me, sorti en 1976, il s'agit de leur premier succès international. Comme toujours, c'est la voix de Frank Farian que l'on entend, et non pas celle de Bobby Farrell, le chanteur. Le danseur, pardon. Oh, je vais y arriver. Alors, plusieurs versions seront enregistrées au fil des années. Alors, une petite anecdote importante, c'est qu'en face B figure une reprise de No Woman, No Cry de Bob Marley. Allez, place au maxi. She's crazy like a fool. Thank you. daddy. Oh, she believes in him. She loves her daddy. Alors la pépite du jour, ça sera de nouveau Michael Jackson. Alors je ne vais pas vous donner le titre tout de suite, je vais vous faire un peu languir. C'est le sixième single, extrait de l'album Thriller. La version que nous connaissons a été largement modifiée par Quincy Jones. Le titre atteindra la dixième place du hit US. Une autre version paraîtra en 2008 dans Thriller 25, où Michael Jackson l'interprétera en duo avec will.i.am. Vous avez deviné? Bon, c'est un peu compliqué, vous allez me dire. Alors, il s'agit de P.I.T., Pretty Young Thing, de Michael Jackson. C'est parti. Thank you. On arrive au terme de notre émission. J'ai été ravi de partager ce moment avec vous. Je vous dis bon week-end, bonne semaine et à samedi prochain sur Fadjet. Bye bye.